progressivement de ma pensée. Soit, je n'ai rien décidé. La chaise était là, sur le sol, posée. Quant à moi, pauvre homme, cicatrisant de mes blessures, je me suis engagé dans le froid vicié de ma mémoire. Quoi ? Un fou ? Peut-être. L'ivresse appartient aux dieux, la sagesse est celle des hommes. La rivière ruisselle depuis l'aube des temps. Les tentations me harcèlent depuis hier et Adam. L'anaconda, parlons-en. Il m'a vampirisé depuis le début de tout, avant même la création de QSL. L'air de rien, le sifflet court, pas, s'enlace dans les méandres de la solitude, le mutisme du temps. Un fou, oui, je le concède. La nature m'a enivré d'un captivant message, l'œil de la raison. La dignité et la lucidité des dieux font de moi l'enfant disciple, l'heureux colocataire de ce que les âmes perdues connaissent et appellent la véranda.